بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai oublié de préciser par rapport aux questions précédentes, par rapport à la formule Masah al-Khayr wa Sabah al-Khayr. Le fait de dire Masah al-Khayr wa Sabah al-Khayr, qui reviendrait à dire bonjour, bonne matinée en fait en français. Il y a des relâmes, ils voient que c'est pas mis dans le sens où ça serait comme un dua, une invocation que Allah te fasse passer une bonne journée, une bonne matinée et d'autres. Et d'autres ulama, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, eux, ils voient que c'est tashabbuh bi kuffar. Que cela est une ressemblance au kuffar. De dire cela, car cela n'est venu que de leur coutume à eux. Car les musulmans n'avaient pas pour habitude de dire ce genre de formule. Naam. Donc c'est un tambi. Donc le meilleur, c'est de délaisser et de se contenter des formules venues dans l'islam. Cela est plus simple et cela est plus clair. Et cela évite toute ambiguïté. Naam. يقول في السؤال الرابع والثلاثين 34e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن عبارة كل عام وانتم بخير. Donc maintenant l'auteur fut interrogé pour propos de l'expression qui dit que chaque année vous êtes bien. Chaque année vous êtes dans le bien. C'est une formule que les gens se donnent lors des occasions de Eid. Ils disent souvent cela, les awam, les gens de la masse. كل عام وانتم بخير. فأجاب رحمه الله تعالى قالوا كل عام وانتم بخير جائز إذا قصد به الدعاء بالخير. Donc il a dit le cheikh que cela est permis si jamais on souhaite par cela une invocation en fait, c'est-à-dire que nous souhaitons que chaque année vous soyez dans le khayr. Naam. Et ce qui est authentique en fait, c'est que cette invocation, comme l'a dit Cheikh Al-Albani Kazalik, c'est une bid'a, car ça amène à ce que les gens fassent un dua particulier pour une occasion particulière qui se répète, et cela sans dalil. Et cela sans dalil. Et kazalik, lors des jours de Eid, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas cela, ni les sahaba. Donc, le meilleur, bien que l'auteur lui soit d'avis que cela est permis, le meilleur que cela soit délaissé. D'accord? Et ce genre de dua, maintenant quelqu'un le fait comme ça, de façon générale, à n'importe quel moment, en guise de dua, cela peut être permis, mais le fait de spécifier un jour particulier, une occasion particulière et qui se répète, c'est là qu'on rentre dans l'innovation justement. On avait déjà parlé au début des audios. Donc cela, comme on vient de le décrire, cela a été évité. Cela est meilleur, bien que l'auteur lui soit d'avis que cela est faisable. Naam. Mais beaucoup de ulama voient que s'il y a mis sa licence de dua, d'accord, il n'y a pas de mal à le dire. Wallahu ta'ala alam. سؤال الخامس وثلاثين 35e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى ما معنى ما يسمع من الدعاء اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفكر عبادك إليك واغنينا اللهم عمن أغنيته عنا. Donc il a été interrogé, qu'en est-il, quel est le sens de ce dua que l'on entend? Donc quand on va traduire, ça va pas directement le sens. Bien qu'en arabe, ça ne leur apparaît pas forcément aux arabophones. Mais en français, la traduction va faire apparaître le sens. On dit, « Oh Allah, fais de nous les gens les plus riches de ta créature. » C'est-à-dire les plus riches, ceux qui se passent le moins des autres. Les plus riches de tes dons. En fait, et les plus en besoin de toi. Afkar ibadak, c'est-à-dire les plus pauvres, c'est-à-dire les plus pauvres dans le sens que leur pauvreté, ils ont besoin de ta richesse. Et Allahumma, Allah, rends-nous, fais-nous nous passer de ceux que tu as enrichis. Fais que nous puissions nous passer de ceux que tu as enrichis. Des gens. D'accord? En fait, c'est ça que ça veut dire. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا أَغْنَى خَلْقِكْ بِكْ أَذَلَيْنْ بَعِي لِنَّا أَغْنَى الْخَلْقِ بِاللَّهِ هُمَ الْأَنْبِيَاءِ. Donc il a dit, ce dua, le fait de dire Allah, fais-nous les gens qui se passent plus des autres, les plus riches de tes biens en dehors des autres, cela ne convient pas car ces gens-là sont les prophètes à la base. ولا احد يعتصم بالله اكثر مما يعتصم به الانبياء ولا احد يتوكل على الله اكثر مما يتوكل الانبياء. Car personne ne se réfugie auprès d'Allah comme le font les prophètes, et personne ne place sa confiance en Allah comme le font les prophètes. Donc cela n'est pas possible. والثاني أفكار عبادك إليك هذا ربما يكون مقبولا لقول الله تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. Donc le fait de dire oh Allah fais de nous les gens les plus pauvres dans le sens qu'ils ont le plus besoin de toi, alors il a dit cela peut être permis dans le sens où Allah dit dans le Coran ô vous les gens vous êtes certes les pauvres qui ont besoin d'Allah. Sourate Al-Fatir, créateur, verset 15. ومعنى العبارة أفكار عبادك إليك يعني بمعنى Donc cela veut dire que nous sommes pauvres dans le besoin de ta richesse à toi et celle de personne d'autre en fait. Nous sommes dans le besoin que tu nous donnes toi seulement. Donc cela, le sens est correct. Wassalisa, troisième partie du dua. Warnina amman arnaitahu, yani arnina aninas. C'est-à-dire, rends-nous riches au point que nous puissions nous passer des autres. Que nous puissions nous passer des gens. قال لكن قد ورد ما هو افضل من هذا الدعاء. Il a dit cependant, il y a mieux encore qui lui comme invocation qui elle est venue dans la législation. C'est Allahumma arnina bihalalik an haramik wa bi ta'atik an ma'siyatik wa bi fadlik an man siwak. Donc il a dit également ô Allah, fais-nous nous passer de ton haram par ton halal et de ta désobéissance par ton obéissance. Et fais-nous nous passer des autres par ta grâce. Nous enrichir en fait. On peut dire nous passer, nous enrichir. Et ce dua-là, il a été donné par Ali Abi Talib. Il a dit aux gens que ça c'est le dua que l'on fait lorsqu'on a des dettes. C'est très important. Et Ali Ibn Abi Talib, il a dit que ce dua-là, même si tu as des montagnes de dettes et que tu le fais de façon sincère, que cela est une cause pour que Allah te permette de pouvoir rembourser. Allahumma a'nina bihalalik an haramik wa bita'atik an marsiyatik wa bifadlik an mansuwak. J'ai dit Ali dans Abu Bakr. C'est Abu Bakr. Et il me semble qu'il y a Ali également qui l'a dit. J'ai un doute. Taïb. Et également, il a dit comme dua, Allahumma la takilna ila al-fusina tarfata a'in. Oh Allah, ne nous fais pas nous. Il ne nous confie pas à nous-mêmes ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire que l'être humain, dans le sens où il a besoin d'Allah, et il se remet à Allah et non pas à lui-même. Car si jamais tu te remets à toi-même, alors à ce moment-là, tu seras voué à la perte. Tu seras voué à la perte. C'est pour cela que dans le doigt on dit ne nous laisse pas nous en remettre à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et de là même, des ulama comme le Qayyim et d'autres ont dit qu'on ne dit pas j'ai confiance en moi par rapport à ce genre de choses. Car en fait, tu dois avoir ta confiance en Allah. D'accord ? Quand quelqu'un dit asik bi nafsi, j'ai confiance en moi, il ne faut pas dire cela, certains savants, car tu ne sais pas, Allah peut ne pas t'accorder le tawfiq pour faire telle et telle chose. Donc en fait, il faut avoir la confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et d'autres ulama, comme l'auteur lui-même, Cheikh Othaymine, il dit qu'en fait, cette formule peut être correcte lorsqu'on dit confiance en soi-même, c'est-à-dire dans le sens que la personne sait d'elle-même qu'elle a la capacité de faire telle et telle chose. Que Allah lui a donné la kudra de faire telle et telle chose. D'accord ? Donc c'est cela qui est le plus correct, c'est qu'il y a des choses, les gens savent qu'ils peuvent le faire. Bi'idhnillah ta'ala. Comme quelqu'un, il dira par exemple, je souhaite me rendre à tel endroit, Mathalan, et la personne a dit, tu pourras t'y rendre, il dit, j'ai confiance en moi, je pourrais m'y rendre, bi'iznillah. Mais il qayyid, il dit toujours, Inch'Allah, bi'iznillah. Mais en lui-même, il voit qu'il a la force de faire telle et telle chose, d'accomplir tel et tel acte. Naam. Wa akadha. Adha al-lazi radna al-yom, bi'adi as-ilah, wa alhamdulillah.